Chapitre 5e. Volpi s'assit dans sa posture habituelle, les jambes croisées, et se mit à balancer sa chaise. D'abord, laquelle des deux hypothèses choisissez-vous, capitaine, le crime d'un fou ou d'un assassin? Celle de l'assassinat. Je pense qu'un fou aurait continué à tirer sur d'autres cibles. Pourquoi se serait-il arrêté? À moins qu'il n'ait plus eu de cartouches. Bien. Je partage votre point de vue, Pérez. Alors j'ai une autre hypothèse à vous proposer, pour les deux coups tirés avant le meurtre d'Anzelouti. Ce type se sert d'une arme dont il n'a pas l'habitude et qu'il n'a pas depuis longtemps, par conséquent. Ou d'une arme qui ne lui appartient pas, renchérit Pérez, ou qu'il a volée, mais enfin, peu importe. Vous avez déjà utilisé des fusils de guerre ou de tir sportif, capitaine? Une fois, à l'armée. Pour être performant, il faut régler son tir et son arme, caler la hausse en fonction de la distance et surtout la lunette, si l'arme en est équipée. L'individu commence donc par tirer sur une cible qu'il rate et atteint une fenêtre. Il n'avait pas vu qu'il y avait une fenêtre derrière, commissaire? Elle était peut-être cachée par des arbres, une haie. Il ne s'en est peut-être même pas rendu compte. La distance a dû l'empêcher d'entendre le bruit du choc. Vous pensez qu'il a eu peur d'être découvert? Possible. Mais laissez-moi continuer. Il faut qu'il affine encore son tir. Il s'attaque alors à une cible en mouvement, le chien. Il est maintenant sûr que l'arme est au point. En tout cas, je suppose que c'est un excellent tireur. Il se rend donc à l'endroit qu'il a repéré pour attendre un Tilouzi et le flingue comme prévu. Voilà. C'est vrai, se risqua Jedjiga, ça tient debout. Merci, lieutenant. Je suis heureux que vous l'ayez remarqué, rétorqua Volpi d'un ton légèrement sarcastique. Jedjiga, un peu vexé, voulut se rattraper. Mais pourquoi n'a-t-il pas réglé son fusil en pleine campagne au lieu de canarder près des habitations? Parce qu'il n'en avait pas le temps, répondit Pérez. Il venait d'avoir ce fusil et il fallait qu'il se grouille. Volpi se leva et se déplia, un vague sourire sur les lèvres. Vous avez tout compris, capitaine. Prenez exemple, lieutenant, dit-il à Jedjiga en montrant Pérez. Il venait encore une fois de souffler le chaud et le froid sur les nerfs des deux femmes. Cette fois-ci, il l'avait fait délibérément pour tester un peu le mental de ses subordonnés. Finalement, il ne savait pas grand-chose sur elle. Pérez était divorcé depuis peu, venait de Lyon. Quant à Jedjiga, elle arrivait de Marseille et était issue d'une famille de harkis. Il n'avait pas cherché à en savoir plus et préférait se faire une opinion par lui-même. Une demi-heure dans un bureau, c'était déjà trop pour Volpi qui décida d'aller prendre l'air. Nous allons sur les lieux pour mieux nous rendre compte, capitaine, et pendant ce temps, profitez pour aérer votre bureau. Très satisfait du tour pris par l'enquête, le commissaire n'attendit pas les deux femmes et descendit sur le parking. Resté en arrière, Pérez et Jedjiga en profitèrent pour échanger leurs impressions. « Ça a été ma fête, » se plaignit Jedjiga, un peu dépité. « Pour une fois, ça n'a pas été la mienne, » rétorqua Pérez. « Décidément, j'arrive pas à m'y faire à ce type. Je sais jamais ce qu'il pense. Mais tu vois pas qu'il le fait exprès, naïve, va. » Ils parvinrent à l'entrée du chemin des Saint-Pères, par la route de Galice, après la sortie de l'autoroute Lyon-Nice. Ils laissèrent leur voiture sur un tronçon désaffecté du chemin et partirent à pied, munis de la carte et d'une paire de jumelles. Ce début de promenade champêtre les déconnecta un instant de l'enquête. Le magnifique paysage, fait de grands champs doucement vallonnés, parsemés de quelques vieilles et belles bâtisses, vous donnait une sensation d'espace et de paix. On avait l'impression d'être à des kilomètres de la ville et pourtant, elle n'était qu'à 5 minutes. Volpi partit devant, car il ne trouvait rien d'intéressant à dire aux deux femmes. Elles en profitèrent pour chuchoter. « Alors, commença Jedjiga, il est venu, ton ex ?»« Oui. J'ai enfin découvert ce qui m'avait plu chez lui. Tu sais, c'est bizarre. Comme on ne se voit que rarement, on se regarde et on s'écoute parler, comme au début. Ce qu'on n'aurait jamais dû cesser de faire, d'ailleurs, mais enfin. » Eh oui, mon père disait, quand il parlait, « C'est quand la bouteille est vide qu'on trouve que le vin était bon. » Tu ne sais pas ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que je l'excitais, tu te rends compte? Alors, vous avez... Ouais, on a fait des papouilles, mais tu sais, on n'est plus guère performant, remarqua Pérez en riant. Mais c'était tendre. Ça nous a fait du bien, à la tête. Finalement, ça n'était pas plus mal comme ça. Et toi, ta tête, au fait? Ben, j'ai toujours mal, surtout la nuit. Ça me lance dans l'œil et dans l'oreille. L'ophtalmo n'a rien trouvé, l'oreille non plus. J'ai rendez-vous pour un scanner du cerveau. C'est bien, ne laisse pas traîner ces choses-là. Au moins tu seras fixé. Tu sais que je suis là pour t'amener ou te raccompagner. Mais oui, tu es une vraie petite mère pour moi, dit Jejiga en prenant Pérez par l'épaule. Bon. Eh, fit Volpi, vous êtes venu pour travailler ou pour taper la causette? Allez, grouillez-vous. Ils durent se garer pour laisser passer une Porsche Boxster noire et capotée. Il va un peu vite, l'oiseau, sur un chemin pareil, rugit Volpi. Voilà ce qu'il vous faut comme bagnole, Pérez, avec vos cheveux blonds dans le vent. Vous seriez irrésistible. Il se fout encore de moi, marmonna Pérez. Peut-être pas. Allez, avance. Après avoir passé un ensemble de bâtisses harmonieuses ornées de belles génoises, sur la droite, la vue se dégagea sur de grands champs de part et d'autre du chemin. Une légère brise nettoyait le ciel et apportait des senteurs lourdes de tourbes et d'herbes coupées. Un pépé sur une antique mobilette bleue les dépassa. La vue de cet engin datant des années 60 fit remonter tout un tas de souvenirs chez Volpi. Il n'en avait jamais possédé, trop cher et trop dangereux, disait son parrain. Alors que ses copains du lycée caracolaient sur des Vespa ou des mobs, lui prenaient le trolleybus. « Je crois qu'on y est, » dit Pérez. La villa au carreau cassé est dans le fond, sur la droite. D'après la position, le tireur devait se tenir par ici, à peu près. Ils regardèrent tous trois dans la direction de la villa. Un vaste champ fraîchement labouré étalait ses mottes, avec, dans le fond, une haie d'arbres assez haut, servant de perchoir un vol de corbeaux attiré par les bestioles déterrées par la charrue. « Il a dû tirer sur un corbeau. Mettez le chrono en marche. Regardez, là, à gauche, il y a un bosquet. » « Je me planque derrière. Venez. Voilà, je trifouille le fusil, je vise et... bon, je tire. Merde, raté. Je repars. » Elles reprirent leur marche sur la petite route, derrière Volpi qu'elles suivaient comme un maître d'école. Une détonation attira leur attention. Dans un champ voisin, à gauche du chemin, deux chasseurs distants d'une cinquantaine de mètres battaient une vaste étendue parallèlement à la route, à plus de 100 mètres des trois flics. Vêtus de casquettes et de gilets orange fluo, il était impossible de ne pas les voir. Et si notre tireur avait choisi de bien se faire voir pour passer inaperçu? Demanda Jejiga. Pourquoi pas? Convint Volpi. Quelques minutes plus tard, ils étaient à la hauteur de la ferme où le chien était mort, grand ensemble de vieux bâtiments ouverts vers le nord, à gauche du chemin. En face, à un peu moins de 100 mètres, une haie bordait un grand champ. Volpi s'y dirigea à grands pas, suivit les deux femmes qui trottinaient pour le suivre. « Bon, je suis derrière la haie. Imaginez, j'ai repéré le chien qui traînasse au milieu du chemin d'accès. J'attends qu'il sorte un peu de la ferme. Je trifouille encore. Voilà. Je vise, petit réglage, je tire, et pan. Ça y est, le chien s'en compte. Qu'est-ce que je suis bon? Allez, on repart. Combien de temps depuis le début ?» 10 minutes, un peu plus même. Il leur fallut une 20aine de minutes pour arriver presque au bout du chemin des Saint-Pères. Ils durent céder de la carte pour prendre dans les bois sur la droite, afin d'arriver derrière les maisons, à la lisière surplombant la fin du chemin, là où Anzilouti était mort. À travers les feuillages des pins, on apercevait une longueur d'une 30aine de mètres du chemin des Saint-Pères. Cet espace était suffisant pour viser une cible se déplaçant assez lentement. Arrivé là, il se planque. Il fait la mise au point sur un endroit du goudron, un caillou, une tache. Il se met en position de tir et attend le cycliste. Combien de temps depuis le chien? 25 minutes. Finalement, c'est possible à pied. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. De toute façon, s'il l'avait raté, il serait certainement revenu le lendemain. À moins que ce soit un fou. La question est toujours la même. Allez, les filles, on rentre. Tiens, pour une fois, se dit Pérez, il emploie un mot un peu plus cool, il nous appelle les filles. Sur le chemin du retour, Volpi était toujours devant, comme un chef de meute, et les deux femmes suivant derrière, un peu essoufflées. Il se sentait léger, et respirait librement, comme s'il avait d'un coup rajeuni de 10 ans. Dans l'air frais, il avait même l'impression qu'un léger souffle traversait son cerveau et libérait ses neurones. Qu'est-ce que je fous avec ces deux femelles? Je serais si bien tout seul, alors que là, il faut les traîner et les écouter papoter. Jejiga avait remis le chrono en marche par acquis de conscience. Il fut de nouveau question de leur vie privée à toutes deux. Aucune des deux ne se disait vraiment heureuse. Pérez, c'était évident, continuerait sa vie de brique de broc, trop tard pour la refaire. Quant à Jadziga, elle était engluée dans les problèmes de santé de toute la famille sans compter les siens. Son père, après un AVC, avait perdu l'usage de la parole. Sa mère était boursouflée de diabète et se soignait avec un élastique. Son jeune frère devait faire l'objet d'une surveillance incessante, enclin à faire toutes les conneries de la terre. Nul doute que dans cette conjoncture, sa vie sentimentale passait au xième plan. Heureusement qu'il lui restait encore le boulot pour se changer les idées. Volpi ne cherchait pas à écouter le bavardage des femmes. Il ne pensait qu'à sa fille Lisa, qu'un connard à moto, brûlant en feu rouge, avait envoyé à l'hosto avec des fractures multiples. Les médecins avaient dû la plonger dans un coma artificiel pour la soigner. Les opérations étaient terminées, les membres réparés, mais il fallait attendre maintenant la consolidation et les séquelles éventuelles. Heureusement que dans le choc, le motard s'était cassé un poignet, ce qui avait permis de l'appréhender. Le cinéma qu'il avait fallu faire auprès du proc pour que le gars soit inculpé pour homicide. De plus, la moto n'était pas assurée, et c'était les bons citoyens qui allaient payer l'ardoise, en attendant que le connard soit éventuellement condamné. Volpi tenait peut-être plus à sa fille qu'à son épouse. Elle était si jolie, si intelligente, enfin tout, quoi. La perspective de lui voir continuer sa vie en fauteuil roulant lui glaçait le sang. Une Smart passa sous leurs yeux, à vive allure, conduite par un jeune. Puis ce fut de nouveau le pépé en mobilette, certainement un ouvrier agricole, qui repassa plan-plan, et encore la Porsche aux vitres teintées. Avant d'ouvrir la portière, Pérez remarqua un papillon jaune fluo glissé sous l'essuie-glace. « Tiens, » se dit-elle, intriguée, « qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Il s'agissait d'une pub pour l'ouverture d'une pizzeria à Gardanne, mais l'invitation datait de 3 mois. Au dos de la pub, un texte était écrit au crayon. Elle le lut à haute voix. « I curiosi non vivono vecchi. » Toute retournée, elle montra Jadziga. « Tu as fait de l'italien, toi ? Regarde. » « Je n'ai pas fait d'italien, mais c'est assez facile à traduire. Curiosi, c'est curieux. Vivono, c'est devenir de vivre, et vecchi, ça doit vouloir dire vieux, comme dans le Ponte Vecchio à Venise. » Volpi se saisit du billet et le lut. « Bien vu, Moussaoui. Ça veut dire « les curieux ne vivent pas vieux ». Les curieux, c'est nous, mes enfants. Ce qui veut dire que celui qui a mis ce papelard sait qui nous sommes et nous a repérés. Il était ou il est encore dans les parages. L'équipe devait rentrer au central pour faire le point. Volpi avait perdu sa belle humeur. Son vieux côté vindicatif reprit le dessus. « Si jamais je te chope, je te le ferai bouffer ton papelard, bordi, et va !» Au lieu de revenir directement à l'hôtel de police, le commissaire tint à repasser par le chemin des Saints-Pères, autant pour s'imprégner de la géographie des lieux que pour braver le danger. « On va finir par le connaître par cœur, ce chemin, commissaire, » fit remarquer Pérez. Volpi sortit son Glock 17 et le posa sur la console, devant le levier de vitesse. « Sachez, capitaine, qu'on doit graver dans sa cervelle les lieux du crime. On ne va pas revenir tous les jours. Alors, ouvrez les yeux. Et votre esprit. » Volpi tourna la tête vers Pérez avec enfin un sourire ironique sur les lèvres. « À part ça, qu'est-ce que vous en pensez, mesdames ?» Les deux femmes se mirent à parler en même temps. De la discussion, il ressortait tout de même 2 points importants. Le premier était que le tireur devait les marquer à la culotte. Il les épiait, et il était italien, à moins que la langue de Dante ne fût employée que pour les emmener sur une fausse piste. La solution du fou était définitivement écartée, et avant toute chose, il allait falloir découvrir le mobile qui avait poussé l'assassin. « Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un crime de mafieux, » dit Volpi. « Leurs méthodes sont beaucoup plus radicales et ils ne se seraient pas embarrassés à nous écrire un mot de billet. »« Oui, » reprit Jadziga, « je suis d'accord avec vous. Il n'empêche que le tueur est aussi dangereux qu'un mafioso. » Le deuxième point marquant était que l'assassin utilisait une arme munie d'un silencieux. Personne n'avait entendu de détonation alors que 3 coups de feu au moins avaient été tirés. « Il faut commencer notre enquête par l'entourage immédiat d'Anzelotti, » dit Pérez. « Puis nous élargirons le cercle. »« Ça n'a rien donné, lieutenant, auprès des armuriers ?»« Non, pour l'instant, rien. »« Il faut aller voir dans le fichier des permis de chasse. »« Tous ceux qui possèdent dans le coin une autorisation de détenir une arme de 5e ou 6e catégorie. »« Je n'ai pas grand espoir, mais il ne faut rien négliger sinon. Pan pan cucu, fit Pérez en montrant le patron. Volpi sourit sans répondre. Finalement, pas fâché que Pérez se lâche un peu et pratique son propre humour. Ouais, fit Jejiga peu convaincu. Et si le type a acheté l'arme sous le manteau? Et si, et si. Si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle, s'exclama Volpi. Faites ce qu'on vous demande et ne vous fatiguez pas. On ne va tout de même pas perquisitionner toutes les baraques de la région. Alors il faut bien un début de piste. Qu'est-ce que vous pensez du billet, capitaine? Demanda Volpi. I curiosi non vivo no vecchi. C'est votre langue maternelle, non? Ça laisserait supposer qu'un Italien en a descendu un autre. C'est un peu trop facile, vous ne trouvez pas? Moi, répondit Volpi, je ne trouve rien, je ne sais rien. Je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. En parlant de Bastos, continua-t-il, je pense que le tueur a utilisé une carabine de chasse de précision. La plupart de ces armes peuvent être équipées d'une lunette de visée et certaines d'un silencieux. Il y en a même qui sont démontables, ce qui permet de les dissimuler plus facilement. C'est ce type d'arme qu'il faut rechercher en priorité. Quant à ce billet, il faut l'envoyer au labo, mais je ne pense pas qu'il va parler beaucoup. Regardez, l'encre d'imprimerie est délavée, la couleur du papier est défraîchie et l'inauguration de la pizzeria date de 3 mois. C'est un papier qu'il a trouvé dans un fossé. Peut-être juste à côté de notre voiture, il s'en est servi pour nous laisser un petit souvenir. Il va falloir qu'on fasse un peu de victimologie, déclara Pérez. C'est sûr qu'Anzilutti n'a pas été assassiné par hasard. Il y a peut-être derrière ce meurtre une sombre affaire de raquette, vous ne pensez pas, commissaire? Ma foi. Cherchez, on verra bien.